On n'a pas toujours la chance d'avoir des témoins pour soi quand on est dans l'existence un peu maladroit. Dans les grands procès d'assises, on assiste quelquefois à de drôles de vocalises et suivant l'avocat. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour le faire savoir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. Combien de têtes victimes d'un bon mot du procureur, juste pour gagner l'estime de ses supérieurs. À l'heure où l'on fait les comptes pour la gloire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est notoire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. Bruno Dumézil, je vous ai offert, pour ouvrir notre conversation, une chanson d'Yves Duteil qui s'appelle « Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte », une chanson de 1989, peut-être aurait-on pu s'en servir pour d'autres émissions, mais là, en l'occurrence, il me semble qu'elle est particulièrement opportune. 1989, peut-être peut-on y voir quelque insolence à l'égard de la commémoration, mais sur ce point, je passerai. Vous avez entendu le vase de Soissons ? Vous avez entendu quand on n'a pas toujours les témoins qu'il faut ? Oui, j'ai entendu aussi que c'est la façon dont on découpe qui compte, et c'est vrai. Si on choisit un événement, ou si on choisit un règne, ou si on choisit un siècle, bah, l'histoire change de sens. Et donc, de temps en temps, on peut se dire que le baptême de Clovis ou le vase de Soissons, c'est quelques instants qu'on a choisi de découper, de transformer en vignette, et c'est vrai que ça fait beaucoup plus l'histoire qu'un long passage d'histoire économique. Votre beau livre témoigne d'ailleurs de l'extraordinaire plasticité du personnage de Clovis dans les mains de tous ceux qui en ont fait l'instrument de leur passion, de leurs interprétations, de leur énergie parfois. Alors Clovis, oui, il s'y prête particulièrement parce que comme tous ces personnages d'un passé très lointain, on n'a conservé pratiquement rien de lui. On a conservé de Clovis lui-même une lettre qui doit faire 12 lignes dans l'édition de référence et c'est tout ce qu'on a conservé du personnage en tant que producteur de texte. Et vous êtes sûr que ce n'est pas un faux puisqu'on a fait tant de faux au Moyen-Âge sur Clovis ? Allez, on va dire que celui-là, c'est pas un faux. Mais même si c'est pas un faux, c'est bien entendu pas lui qui a pris la plume, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour lui. Donc, de Clovis en tant qu'individu, on ne possède rien, presque pas plus que sur Vercingétorix. Et donc, sur un personnage aussi lointain, aussi obscur, eh bien, on peut créer une légende. Et donc, ces personnages fondateurs sont souvent des personnages sur lesquels on ne sait pratiquement rien, si ce n'est qu'on a su découper dans leur figure quelques traits importants qui sont jugés comme essentiels pour une sorte d'identité. Ça peut conduire à quelque ébriété quant à la tentation d'en faire un usage à sa main. Alors évidemment, c'est toujours tentant d'essayer d'écrire son baptême de Clovis, comme on peut écrire son siège d'Alésia. Alors on peut s'en garder en se disant que, quand je dis qu'on n'a rien, on exagère. On a quand même un faisceau de textes. Sur un événement comme le baptême de Clovis, on a presque rien, mais sur ce temps des années 500 dans lesquelles un roi des Francs se convertit au christianisme dans sa version catholique, on a un certain nombre de documents qui permettent de voir, non l'individu sans doute, mais en tout cas un temps, un moment, une histoire qui est possible, parmi de nombreuses histoires possibles bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le peu que l'on sait, nous resituer le personnage dans son temps et dans l'espace aussi ? Alors, on est une génération après la chute de l'Empire romain, 476, même si la date n'est sans doute pas aussi importante qu'on a voulu le dire, le dernier empereur d'Occident disparaît. Les Gaules sont partagées entre, au nord, des peuples francs qui occupent les régions de ce qu'on appelle encore les provinces de Belgique, donc la région qui va de Reims jusqu'au littoral, où il y a une douzaine de rois des Francs. Parmi ces rois des Francs, il y a un certain Clovis qui monte sur le trône vers 481 parmi une douzaine de cousins. Un peu plus au sud, en Picardie, il y a une armée romaine résiduelle, dirigée par un certain Siagrius. Le sud de la Gaule est occupé pour sa part par un peuple qui sont les Visigoths, qui occupent une grande Aquitaine qui va jusqu'à la Loire, et par les Burgondes, qui occupent un territoire qui va donner notre Bourgogne. Donc ce n'est pas la France d'aujourd'hui, je veux dire géographiquement. Alors ce n'est pas la France d'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que Clovis va être important, parce que Clovis, dès qu'il monte sur le trône, mène une série de guerres et de conquêtes et va unifier un certain territoire gaulois. Pas l'ensemble des Gaules telle qu'elle a pu exister à l'époque de Jules César ou de l'Empire romain, mais en tout cas un certain nombre de territoires qui va, disons, de la mer du Nord jusqu'à Carcassonne et puis de la Rhénanie jusqu'à la Bretagne. Donc, sur les cartes, le royaume de Clovis ressemble un peu à ce que sera la France du XIXe siècle. C'est pour ça aussi que la Troisième République va autant le mettre en avant. C'est quelqu'un qui a unifié un territoire qui serait appelé à devenir la France. D'où vient le terme Francia ? Il est utilisé à l'époque déjà ? Alors le terme Francia, il existe dès la fin du IIIe siècle. Les empereurs romains ont parfois parlé de la Francie, c'est-à-dire le territoire peuplé par les Francs. Mais on se rend compte qu'encore vers 500, c'est extrêmement variable. Ça désigne globalement le nord de la Loire, surtout la région de la Moselle, l'endroit où on trouve beaucoup de Francs. Mais bien entendu, la Francie de Clovis n'a rien à voir avec la France encore. Vous avez sûrement observé que dans la chanson de Dutheil était évoqué le vase de Soissons. Et en vérité, c'est avec le baptême de Clovis ce qui reste dans la mémoire collective. Pourquoi ? Grâce à Grégoire de Tours, qui est le premier chroniqueur solide de ces événements. Solide, je ne sais pas trop, mais le premier chroniqueur, oui. Je m'avance. Un siècle après les faits, Grégoire de Tours nous raconte une histoire possible de ce qu'a été le début du règne de Clovis et donc raconte la campagne en Picardie, l'oblitération du dernier général romain qui était présent sur le territoire gaulois. Et Grégoire de Tours, donc cet historien de la fin du VIe siècle, nous dit qu'un siècle plus tôt, Clovis aurait réussi à s'emparer d'un vase et que ce vase a posé d'énormes et fracassants problèmes. Eh bien, écoutons Grégoire de Tours, donc trois ou quatre générations après l'événement. En ce temps, beaucoup d'églises furent pillées par l'armée de Clovis parce qu'il était encore enfoncé dans les erreurs du fanatisme. C'est ainsi que les troupes avaient enlevé d'une église un vase d'une grandeur et d'une beauté merveilleuse avec d'autres ornements servant au ministère ecclésiastique. L'évêque de cette église envoya donc des messagers au roi pour lui demander que, si son église ne pouvait recouvrer les autres vases sacrés, du moins, elle recouvra celui-ci. Ce qu'entendant, le roi dit au messager « Suis-nous jusqu'à Soissons, parce qu'on devra y partager tout ce qui a été pris, et lorsque le sort m'aura donné ce vase, j'exécuterai ce que le pape demande. » Puis, arrivant à Soissons, où toute la masse du butin avait été placée au milieu, le roi dit « Je vous prie, ô très valeureux guerrier, de ne pas vous opposer à ce que me soit concédé hors par ce vase. » Il faisait en effet allusion au vase mentionné ci-dessus. À ces mots du roi, ceux qui avaient l'esprit saint répliquent « Tout ce que nous voyons ici, glorieux roi, est à toi, et nous-mêmes sommes soumis à ta domination. Fais donc maintenant ce qui convient à ton bon plaisir. » Or, après qu'ils eurent ainsi parlé, un homme léger, jaloux et frivole, ayant levé sa hache, frappa le vase en criant à haute voix « Tu n'auras rien ici que ce que le sort t'attribuera vraiment. » À ces mots, qui stupéfièrent tout le monde, le roi contint son ressentiment avec une douce patience et, prenant le vase, il le rendit à l'envoyé ecclésiastique en gardant caché dans son cœur sa blessure. Mais, au bout d'une année, il fit défiler toute sa phalange en armes pour inspecter sur le champ de Mars la propreté de ses armes. Or, tandis qu'il se dispose à passer en revue tous les hommes, il s'approche du briseur du vase à qui il dit « Personne n'a apporté des armes aussi mal tenues que les tiennes, car ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont en bon état. » Et saisissant la hache de l'homme, il la jeta à terre. Mais tandis que celui-ci s'était un peu incliné pour la ramasser, le roi, levant les mains, lui envoya sa propre hache dans la tête en disant « C'est ainsi que tu as fait à Soissons avec le vase. » Quand l'homme fut mort, le roi ordonna aux autres de se retirer. Et par cet acte, il leur inspire une grande crainte à son égard. C'était une lecture de Jean-Pierre Leroux dans « Les lundis de l'histoire » de Jacques Le Goff sur France Culture le 16 septembre 1996. Bruno Dumézil, voilà bien un épisode qui est resté inscrit dans la mémoire nationale. Alors oui, le vase de Soissons, c'est sans doute ce que l'on a conservé des temps mérovingiens, parce que la vignette apparaît au XIXe siècle dans les manuels scolaires. Victor Duruy et puis surtout le petit Lavis mettent en avant cet épisode en considérant que Clovis, qui frappe de sa hache un soldat qui a volé un vase, c'est le symbole de la discipline militaire. Ce qui est curieux, c'est qu'on dit toujours qu'il a brisé le vase de Soissons. Il n'a pas été brisé, il a simplement été peut-être un peu cabossé. Bah oui, c'était un vase en argent, donc c'est difficile à casser. Mais en fait, on essayait de faire des morceaux, parce que quand on prend du butin, généralement, on fait du butin au poids. Et en fait, on pense savoir ce qu'est devenu le vase de Soissons. Vous l'avez ? Clovis donne un vase. Non, on ne l'a pas conservé. Parce qu'il donne un vase, peut-être ce vase-là, à Saint-Rémy. Et dans le testament de Saint-Rémy, il est fait mention d'un vase donné par Clovis. Et Saint-Rémy demande qu'on le fonde pour en faire des ornements liturgiques. Saint-Rémy, c'est l'évêque de Reims dont nous allons avoir à parler. C'est l'évêque qui a peut-être baptisé Clovis. Et donc, c'est un personnage important de cette légende du baptême. Des générations successives ont connu le vase de Soissons. Je pense d'ailleurs à un épisode assez piquant qui se passe à la Chambre des députés juste avant 1914. Alexandre Ribot, qui était un chef du gouvernement, ministre des Finances, et qui était assez voûté, monte à la tribune et Clémenceau, depuis sa place, s'écrie « Cambre-toi, fier si courbe ». C'est une contrepétrie pour, naturellement, « Courbe-toi, fier si cambre ». Il est frappant que tout le monde comprend, peut-être parce que tout le monde qu'il était à l'époque, je parle des députés, élèves des jésuites ou des lycées, connaît cette histoire. Tout le monde comprend jusqu'aux années 1970, lorsque les citations disparaissent des manuels scolaires, et pire encore, lorsque les photos archéologiques viennent remplacer les gravures. Et alors là, il y a toute une culture qui se rompt dans ces années 70. Pensons à l'image du roi franc monté sur son bouclier. Tout le XXe siècle a vécu avec cette image de Clovis monté sur son bouclier, à tel point que lorsque Uderzo, dans les années 1950, dessine Astérix, le chef gaulois est monté sur un bouclier, parce que c'est le même chapitre qui voit les Gaulois et les Francs, et donc l'image que le chef est sur un bouclier apparaît naturellement. Et puis, après 1970, on va trouver de tristes bouts de rouille, des épées franques et des casques à la place de toutes ces belles images du 19e, 20e siècle. Le mot sicambre, vous pouvez l'éclairer ? À vrai dire, non, je ne peux pas vraiment vous l'éclairer. Les sicambres, c'est un peuple obscur de Germanie qui ont existé sans doute au IIIe siècle. Mais par la suite, à chaque fois qu'on a besoin de parler d'un Germain ou de quelqu'un qui vient peut-être éventuellement de Germanie, on dit sicambre. Donc c'est comme si vous dites aujourd'hui le mot arabe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui vient vraiment d'Arabie ? Quelqu'un qui parle une langue arabe ? Quelqu'un qui est un immigré de 3e ou 4e génération ? Traiter quelqu'un de sicambre, c'est une façon de dire germain, barbare, sauvage. Et en fait, dans la citation, on oppose la sauvagerie du sicambre, du barbare, à l'idée qu'un converti doit se courber devant l'éclair. Et donc, le sicambre droit face au converti courbé est une image éminemment plastique pour l'histoire de France que l'on va retrouver partout. Mais si incertain qu'on soit sur la chronologie du baptême, il apparaît que le vase de Soissons, c'est un épisode antérieur au baptême dont il faut évidemment parler maintenant. Alors, Clovis réussit à conquérir un grand bassin parisien au milieu des années 480, sans doute. Par la suite, il mène des opérations militaires contre les Alamans, qui sont situés en Rhénanie, contre les Burgondes, qui sont situés sur la moyenne vallée du Rhône, peut-être également contre les Visigoths d'Aquitaine. Et au moment de ces événements, à une date très incertaine, il reçoit le baptême dans la foi catholique. Après une bataille, ça aussi, ça fait partie de l'histoire ou des historiettes. Alors, peut-être après une bataille, mais dans la mesure où Constantin, le grand empereur romain, s'est converti au christianisme après une bataille, eh bien, depuis le IVe siècle, il est quand même très bienvenu de se convertir après une bataille. Par ce signe, tu vaincras. Par ce signe, tu vaincras. Eusèbe de Césarée l'a dit, les autres historiens ne peuvent pas faire moins bien. Alors, sur ce baptême, nous avons un récit également de Grégoire de Tours, que je vous donne à entendre. C'est une lecture de Stéphanie Duncan dans l'émission de Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire, en septembre 1999 sur France Inter. Il arriva que le conflit avec les Alamans dégénéra en un violent massacre et que l'armée de Clovis fut sur le point d'être complètement exterminée. Ce que voyant, il éleva les yeux au ciel et le cœur plein de compunction, ému jusqu'aux larmes, il s'écria « Ô Jésus-Christ, si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. » Clovis voulut appeler ses hommes à suivre son exemple, mais à sa grande surprise, avant même qu'il ait pris la parole, tout son peuple s'écria « Pieux roi, les dieux mortels nous les rejetons et c'est le dieu immortel que prêche Rémy que nous sommes prêts à suivre. » Cette nouvelle est portée à l'évêque Rémy qui, rempli d'une grande joie, fit préparer la piscine pour le baptême. Les places sont ombragées de tentures de couleurs, les églises ornées de courtines blanches, le baptistère est apprêté, des parfums sont répandus, des cierges odoriférants brillent, Dieu comble les assistants d'une telle grâce qu'ils se croient transportés au milieu des parfums du paradis. Ce fut le roi qui le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s'avance, donc Clovis, il s'avance, nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir d'une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales taches faites anciennement. lorsqu'il y fut entré pour le baptême, le saint de Dieu l'interpella d'une voix éloquente en ces termes. « Courbe doucement la tête, ô sycambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Ainsi donc, le roi fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et oint du Saint-Crème avec le signe de la croix du Christ. Plus de 3000 hommes de son armée furent également baptisés. « Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré », c'est une formule qui était vouée à quelque pérennité. Ah, on l'entend encore sur les ondes, je l'ai entendu récemment à propos du changement de politique de Boris Johnson. Donc finalement, les grandes citations ne meurent pas, c'est ce que disait Yves Dutheil en début d'émission. Je vous réinviterai pour faire un parallèle entre Clovis et Boris Johnson, ça surprendra nos auditrices et nos auditeurs. Le cheveu est le même. Alors cet événement tel qu'il est décrit, est-ce que c'est une vulgate, il vous paraît éloigné de ce qui a pu se passer? Alors, dans le texte de Grégoire de Tours, tout est allusion. Le nombre des guerriers est emprunté au nombre des serviteurs d'Abraham dans la Bible. La lèpre est empruntée à la vie de Constantin. La mention de ces sales taches qui auraient été nettoyées par le baptême vient de la vie du pape Sylvestre. À vrai dire, c'est un patchwork de citations, parce que Grégoire de Tours, qui écrit dans les années 590, ne sait déjà pratiquement plus rien. Et donc fait quelque chose de vraisemblable, de beau, d'élégant, et surtout qui doit être un clin d'œil à ses lecteurs, qui se disent « le baptême de Clovis, c'est comme le plus beau des baptêmes de toute l'histoire, parce qu'il résume toutes les conversions de l'histoire universelle ». On est frappé à vous entendre du fait qu'on pourrait faire de Grégoire de Tours un auteur prémonitoire par rapport à beaucoup de contemporains qui ont aussi fait de Clovis un personnage qui a été mis à la disposition de leur démonstration. Oui, Grégoire de Tours écrit pour des Mérovingiens qu'il considère déjà affaiblis en leur disant « Regardez Clovis, ça c'était un homme bien, regardez votre ancêtre ». Et c'est ce qu'on fait aussi au XIXe siècle en disant « Regardez Clovis, avant la Révolution française, les rois ont tenu la France, c'est la monarchie qui a créé véritablement quelque chose, qui a créé la France ». La Troisième République l'utilise aussi en disant « Regardez Clovis, il a repoussé les Alamans ». Orthographié un peu autrement, ça fait les Allemands. Et donc, pour des gens qui ont perdu dans la guerre de 1870, Clovis est le défenseur de la patrie. À chaque fois que l'on veut reprendre des éléments, le thème Clovis revient un peu comme un leitmotiv wagnérien qui sert à appuyer parfois, éventuellement, des interprétations divergentes de l'histoire de France. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire du baptême? À partir de quelle source? Alors, on travaille sur le baptême de Clovis à partir d'une seule source. Une lettre d'un évêque, Avit, évêque de Vienne, dans la vallée du Rhône, qui écrit à Clovis pour lui dire que le baptême a dû être fantastique, mais que lui, il n'a pas pu venir, et présente toutes ses excuses. Ça laisse beaucoup de place à l'imagination dont parlait Yves Dutheil. Voilà, Avit déjà imagine ce qu'a dû être le baptême. Alors, il nous fait un récit probable, en disant que de nombreux évêques étaient présents. Et puis, il a des commentaires qui sont assez opaques pour nous. Par exemple, il écrit « La Grèce peut se réjouir d'avoir comme prince l'un des nôtres ». Mais elle n'est pas la seule à mériter le don d'une si grande faveur. Sa gloire illumine la terre et dans les contrées d'Occident resplendit un roi avec la clarté d'un astre qui n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? C'est à vous de nous le dire. Mais je ne sais pas trop. Cet astre qui n'est pas nouveau qui apparaît au moment du baptême de Clovis, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil, parce que le baptême a sans doute lieu le jour de Noël et c'est le moment où le soleil commence à reparaître après une période de l'année où le soleil descend. Ça, c'est païen. C'est peut-être un peu païen, ça peut être un peu chrétien. Ou alors, est-ce que cet astre qui n'est pas nouveau, c'est Clovis lui-même? Ou est-ce que c'est la foi catholique? Et comment est-ce que la Grèce peut avoir un roi qui a la même foi que Clovis, alors qu'à ce moment-là, il y a un schisme entre la papauté et le patriarche de Constantinople? À vrai dire, dans la lettre d'Avit, on peut trouver à peu près tout ce que l'on veut. C'est une lettre allusive, comme on les aime au VIe siècle, avec de belles images, de beaux sons. C'est magnifique en latin. Il faut bien avouer que c'est très peu informatif. Tout ce que nous dit Avit, c'est félicitations, bravo, vous êtes converti, vous êtes chrétien dans la foi catholique. Et j'aurais bien voulu venir, mais comme j'habite dans un autre royaume, ça n'a pas été possible. Il n'est même pas un témoin oculaire, donc. Il n'est pas un témoin oculaire. Et plus grave, cette lettre a été perdue dans un unique manuscrit, redécouverte au XVIe siècle, et les premiers historiens du baptême de Clovis ne connaissent pas cette lettre. Donc nous raconte une autre scène, tout aussi vraisemblable, mais complètement différente. Laquelle? Par exemple, la plupart des commentateurs nous disent que le baptême a lieu à Pâques. Alors qu'Avit de Vienne dit clairement qu'elle a lieu à Noël, la date normale pour un baptême, c'est la date de Pâques, c'est la date liturgique habituelle. Et donc, on a de très beaux récits de Clovis qui écoute la lecture de la mort du Christ, de la Passion, et qui se met en colère en disant « Le Christ est mort, c'est pas bien, si j'avais été là avec mes francs, je l'aurais vengé », parce que tout le monde pense que ça a lieu à Pâques. alors que historiquement, on sait que ça a lieu à Noël grâce à cette lettre un peu perdue, David de Vienne. Donc il se met nu pour entrer dans une piscine accompagné de tous ses guerriers, c'est ça ? Alors il se met nu, oui, c'est la liturgie. Très vraisemblablement, il descend nu dans la piscine. Alors pas tous les guerriers, parce qu'un baptistère dans les années 500, c'est profond. Mais enfin, on ne peut pas descendre à plus de 300 dans un baptistère. Ça aurait débordé. Ça aurait très largement débordé. Il faut supposer qu'il descend avec quelques hommes éventuellement. Mais au fur et à mesure du temps, on va rajouter des personnages. Donc on sait qu'il descend. Il y a peut-être une de ses sœurs aussi avec. Puis à la fin du 6e siècle, il y a 3000 hommes. À la fin du 7e, il y a 30 000 hommes. Alors là, il faut imaginer vraiment une piscine gigantesque. Et puis, quand on arrive au 8e siècle, c'est toute la nation des Francs qui descend dans la piscine baptismale. Alors nous voilà du côté des heurts et des malheurs de la légende vers lesquels il faut maintenant nous diriger, Bruno Dumézil. Comment, d'abord, il y a eu une réappropriation carolingienne de Clovis qui l'a fait sortir d'une première époque d'obscurité relative. Clovis, c'est le premier des grands rois mérovingiens. C'était l'origine de cette dynastie qui règne jusqu'en 751. Alors évidemment, après le coup d'État de 751, on peut se dire que Pépin le Bref ne va pas porter Clovis dans son cœur. Et en fait, si, parce que les Carolingiens font un coup d'État, mais le réussissent d'extrême limite. Ils ne peuvent pas rompre complètement avec les mérovingiens. Il faut proclamer que les Carolingiens sont en fait une branche collatérale, pas trop décadente, mais enfin collatérale des mérovingiens. Donc, on va voir la famille de Charlemagne et de Pépin le Bref utiliser le nom de Clovis, le fils de Charlemagne. Clovis, c'est quoi en latin ? C'est Lodovicus. Et ça donne finalement Louis. Et ça donne Louis. Le fils de Charlemagne est appelé Louis et donc est appelé Clovis, comme si c'était Clovis IV. Et donc, ce nom de Louis, qui est quand même le nom le plus donné chez les rois de France, c'est le nom du fondateur mérovingien que l'on va revoir en permanence. Alors, que se passe-t-il dans l'effort des érudits pour servir la gloire de la nouvelle dynastie en s'appuyant sur la précédente? Alors ça marche plus ou moins bien. Charlemagne n'a pas forcément besoin de Clovis. Par contre, le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, va avoir besoin d'un peu plus de charisme. Donc Louis le Pieux organise son sacre impérial à Reims, la ville supposée du baptême. Et puis surtout, l'entourage de Louis le Pieux se dit qu'il faut peut-être en profiter et va donc dire que le baptême de Clovis a aussi été un sacre, quelque chose de tout à fait nouveau. L'onction baptismale est désormais une onction sacrale. C'est grâce au baptême que Clovis est devenu un roi sacré. Donc les Carolingiens inventent le sacre. Après le coup d'État ? Après le coup d'État, ils inventent le sacre. Coup d'État en 751, premier sacre 754. Mais le sacre, il n'a pas vraiment d'antériorité. Donc on va dire que Clovis est un parent des Carolingiens. Donc expliquer que les Carolingiens, c'est un peu comme les Mérovingiens, il n'y a qu'une seule race royale, va-t-on dire. Les généalogistes sont déjà au travail. Les généalogistes ont toujours été au travail. Tout le monde pourra se rattacher à Clovis. Les Habsbourg eux-mêmes vont dire qu'ils sont des descendants de Clovis. Et puis, surtout, essayer de trouver une généalogie pour le sacre. Essayer d'expliquer que Clovis a été le premier roi sacré. Ça intéresse les Carolingiens, mais ça intéresse surtout l'évêque de Reims. Au milieu du 9e siècle, l'évêque de Reims... Incmar, qui est dans une période d'extrême faiblesse, va dire que Rémi, l'homme qui a baptisé Clovis, a inventé le sacre. Et comme ça, ça donne à l'archevêque de Reims la place de primat des Gaules. Et ça va durer jusqu'à Charles X, au 19e siècle. Et ça va durer à travers toute l'histoire avec un succès assez incertain, il faut bien l'avouer. On est sûr que c'était à Reims, finalement ? C'est possible. Vous voulez le mettre à Paris ? Pourquoi pas ? Paris, c'est la capitale c'est de Clovis. C'est vous qui décidez, monsieur le professeur. Le professeur n'a pas trop d'avis. La première attestation d'un baptême à Reims, c'est les années 660. Imaginez qu'aujourd'hui, on essaie de discuter de la préparation du coup d'État de Napoléon III, en essayant de savoir où ça s'est vraiment passé. Bon, un siècle et demi après les faits, Reims est vraisemblable, disons. Vous allez chagriner nos auditeurs et moi. Non, il y a un baptistère de grande taille qui a été retrouvé à Reims. Il y a une tradition qui laisse supposer que Rémi de Reims... a mené le baptême. Or, Rémi de Reims est un personnage épouvantablement casanier. On n'arrive pas à le sortir de cette cathédrale. Donc, si Rémi était là, ça s'est passé à Reims. Il n'y a pas de doute. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Alors, avançons dans le temps, Bruno Dumézil. Il faut à Clovis affronter aussi le temps de la modernité. La modernité, elle est dure pour Clovis. Autant pendant tout le Moyen-Âge, Clovis était un personnage essentiel de la monarchie. Ça a même été Saint Clovis au XIVe siècle. Il aurait pu devenir un personnage sanctifié comme Charlemagne. Autant le XVIe siècle est dur. Alors les protestants lui veulent beaucoup de mal. Les protestants n'aiment pas trop Clovis parce qu'ils se rendent compte du vide documentaire autour du personnage, c'est-à-dire que tous les textes fondateurs sur le baptême sacre ne datent que du IXe siècle. Et donc, du côté de l'érudition protestante, on fait s'effondrer le mythe de la Sainte Ampoule et de la Sainte Colombe qui sera apparue autour de Clovis. La Sainte Ampoule, c'est celle qui contenait le crème, c'est-à-dire l'huile sacrée nécessaire. Oui, c'est le récipient mystique qui sert au roi de France, mais qui apparaît seulement au XIIe siècle, il faut bien l'avouer. Mais une sorte de petite fiole qui sera apparue pour le baptême de Clovis et qui va être utilisée par la plupart des Capétiens, puis des Valois, puis des Bourbons. Nous la retrouverons tout à l'heure dans une situation difficile. Oui, mais Clovis est quand même attaché à la Sainte Ampoule. Sans Sainte Ampoule, pas de Clovis, et sans Sainte Ampoule, pas de sacre royal. Donc les protestants font du mal là, quand même à la Sainte Ampoule. Et puis les érudits, les humanistes font aussi beaucoup de mal en se rendant compte que les textes sont très peu nombreux. Tellement peu nombreux qu'un certain nombre d'humanistes se disent qu'on pourrait peut-être en fabriquer des nouveaux. Et le XVIe siècle, c'est le grand siècle des falsifications. On crée des textes sur Clovis, des donations de Clovis, des récits du baptême de Clovis. Vous avez un de nos confrères remarquables, Jérôme Vignier, qui lui, du côté de l'imagination, n'a rien à revendre, puisqu'il fabrique des faux, tout simplement. Il fabrique des faux, c'est un oratorien qui se met à fabriquer des faux. Mais ils sont bons, ces faux. Hein. Ils sont même extraordinaires, ces faux. Ils sont comme une façon de combler les vides de l'histoire. Lui aussi crée du vraisemblable, donc en racontant des récits de controverses entre les différentes confessions chrétiennes qui discutent pour savoir à quoi doit être converti Clovis. Et ces faux sont tellement bons que les historiens s'y sont fait prendre. Jusqu'au début du XXe siècle, des gens ont cru aux faux créés à l'époque moderne par Jérôme Vignier autour de la figure de Clovis. Nous avions évoqué dans une émission précédente avec Charlotte Guichard l'histoire des faussaires, une très belle histoire, y compris au XIXe siècle, avec ce grand mathématicien qui s'était fait duper par un admirable faussaire, lui présentant des lettres de Vercingétorix à César, de Marie-Madeleine au Jésus-Christ, etc. Alors pourquoi pas votre Vignier ? Disons que Vignier a au moins du talent. Il a écrit dans un latin qui ressemble beaucoup à du latin du VIe siècle. Bon, son seul défaut, c'est qu'il a expliqué que ses manuscrits avaient des trous, et tous les trous sont aux endroits sensibles, c'est-à-dire aux informations qu'il n'a pas. Et on comprend très rapidement que les trous correspondent en fait à un besoin du faussaire que de créer du vraisemblable. Mais les faux, ça fait partie de l'histoire. Et Clovis n'est pas celui qui a attiré le plus. Dagobert ou même des rois complètement oubliés comme Childebert Ier attirent beaucoup plus pendant longtemps les faussaires. Parce que Clovis, c'est pas un roi donateur, c'est pas un roi fondateur d'église. Donc les faux du Moyen-Âge sont rares autour de Clovis, alors qu'à partir de l'époque moderne, tout le monde parle de Clovis et donc tout le monde fait des falsifications autour du personnage. Au XVIIIe siècle, il prend de l'importance de la fameuse querelle entre l'abbé Dubosc et Boulainvilliers. Au XVIIIe siècle, se pose la question de savoir si la France a des racines gauloises ou des racines germaniques. Alors des gens comme Boulainvilliers, parce qu'ils sont proches du parti nobiliaire, rêvent d'origine germanique, des chefs germains, libres, égaux, qui auraient envahi la Gaule et créé la classe nobiliaire avec ses privilèges, ses droits. Hommage lui rendu à côté de la maison de Radio France, puisqu'il y a la rue de Boulainvilliers. Oui, mais honte sur lui, parce que Boulainvilliers n'a pas bien consulté ses textes. On va suggérer à la maire de Paris de transformer le nom de la rue de Boulainvilliers en rue de l'abbé Dubosc. Ah, c'est oui. Ça votre suggestion, Bruno de Mézil ? L'abbé Dubosc a fait du bon travail. Alors évidemment, l'abbé Dubosc était assez proche de la monarchie absolue. Il voulait penser qu'il n'y avait pas un peuple germain, un peuple gaulois, que les deux avaient fusionné très tôt et que le roi avait immédiatement du pouvoir. Mais finalement, c'est ce qu'on sait sur le règne de Clovis. Les chefs germaniques libres, indépendants avec la royauté faible, on ne la voit pas. Hein. Dès que Clovis apparaît, le roi est fort. Et puis la distinction entre germain et franc est assez mince. Donc l'abbé Dubosc a fait du très bon boulot. Malheureusement pour lui, l'abbé Dubosc était un ennemi personnel de Montesquieu. Montesquieu est tombé à bras raccourcis sur l'abbé Dubosc, a dit que tout ce qu'il avait dit sur Clovis était faux. Évidemment, l'esprit des lois s'est bien mieux vendu que toutes les œuvres de l'abbé Dubosc. Et donc le malheureux abbé a attendu les années 2000, voire 2010, pour être réhabilité. Il attendait cette émission. Oh. Depuis une dizaine d'années, on est en train de monter un comité pour la béatification de l'abbé Dubosc, au moins en termes historiques. Voilà une nouvelle. La révolution, bien sûr, est essentielle. Nous en parlions déjà tout à l'heure à propos de l'ampoule. L'ampoule ne va pas survivre à la révolution qui fait un intrus de Clovis. Écoutez cette lecture qui évoque Philippe Ruhl, qui est un conventionnel et qui va briser la Sainte Ampoule à Reims. C'est un extrait de la Tribune de l'Histoire sur France Inter, le 26 avril 1964. Le texte est peut-être un peu modifié, mais pour l'essentiel, il est avéré. Le citoyen Rull, membre de la Convention nationale, représentant du peuple, en mission dans le département de la Marne. Citoyens, mes chers collègues, vous m'avez chargé par votre décret du 16 septembre de surveiller votre arrêté qui veut que les vieillards se fassent porter sur la place publique pour y prêcher la haine des rois et l'unité de la République. À mon arrivée dans la ville de Reims, je n'ai point trouvé de vieillards sur la place ci-devant royale, aujourd'hui nationale. Mais moi qui suis un vieillard, qui en exécration les rois, les despotes et tous les ennemis de la liberté et de l'égalité, je me suis transporté sur la place, j'y ai prêché la haine des tyrans, et pour joindre l'exemple au précepte, la pratique à la théorie, j'ai brisé en présence des autorités constituées et d'un peuple nombreux, sur les acclamations répétées de « Vive la République une et indivisible », le monument honteux créé par la ruse perfide du sacerdoce pour mieux servir l'ambition des rois. En un mot, j'ai brisé la sainte ampoule sur le piédestal de Louis le Fainéant, 15e du nom. Ce peuple immense, généreux, ne verra plus désormais l'insidieuse farce du sacre d'un brigand heureux. La sainte ampoule n'existe plus. Recevez-en, mes chers collègues, les débris avec le reliquaire qui les contenait, de même que le procès-verbal qui en constate l'anéantissement éternel. Fait aujourd'hui, lundi 7 octobre 1793, l'an 2 de la République. Signé Rull. J'observe d'abord que ce Rull, qui se dit vieillard, a 56 ans. Au-delà de 50 ans, on est vieux au XVIIIe siècle, donc on lui pardonnera. Quelle lecture faire de cet événement ? Mais disons que, autant plus personne ne croyait vraiment à l'origine très ancienne ou miraculeuse même de la Sainte Ampoule au XVIIIe siècle, autant le fait que Rull la pulvérise un jour de 1793 crée un traumatisme dans l'opinion française, notamment au moment de la Restauration. La vraie question est de savoir si la France naît un jour de 1789, au moment de la Révolution française, ou si on doit réintégrer ce qu'on appelle la chaîne des temps, c'est-à-dire penser que la France est apparue avec Clovis, et si ce baptême de Clovis, même s'il est lointain, mal documenté, correspond vraiment aux origines. Et pendant tout le XIXe siècle, il y a un débat entre des gens qui vont vouloir sauver Clovis comme étant l'origine de l'histoire de France, et ceux qui voudront placer la naissance de la France en 1789. D'autres parlent de Vercingétorix. Napoléon III préférait Vercingétorix. On commence à préférer Vercingétorix sur le plan du look, qui se ressemble un peu, hein, barbu, chevelu, barbare. Par contre, évidemment, Vercingétorix est païen. Là, ça change complètement les origines de la France. Vous avez quelqu'un qui est autochtone et païen, alors qu'avec Clovis, vous avez quelqu'un qui vient de l'étranger et qui fait le choix du catholicisme. C'est deux Frances qui s'opposent. On sait que De Gaulle parlait de la France qui venait du fond des âges. Néanmoins, on lui prête des propos, j'ai dit on lui prête car ils ne sont pas avérés, ce sont des propos rapportés par un journaliste américain, David Schönbrunn. On lui prête les formules suivantes. « Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis, choisi comme roi de France par la tribu des Francs qui donnèrent leur nom à la France. Avant Clovis, nous avons la préhistoire gallo-romaine et gauloise. L'élément décisif pour moi, c'est que Clovis fut le premier roi à être baptisé chrétien. Mon pays est un pays chrétien et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom des Francs. » C'est pas tout à fait le fond des âges. C'est pas tout à fait le fond des âges, c'est peut-être pas tout à fait la citation de De Gaulle. Il a jamais reconnu cette citation, il a jamais récusé non plus. Ça correspond en fait à la mentalité d'un certain nombre de Français qui ont une formation généralement dans l'éducation catholique et pour qui le baptême de Clovis correspond à un moment fondateur. Mais ça correspond aussi à un certain nombre de Français qui ont eu une éducation laïque et Clovis est réintroduit progressivement, notamment par la Troisième République, comme étant un des fondateurs possibles de la France. Alors il ne vaut pas Vercingétorix. Vercingétorix, c'est le vaincu héroïque. C'est le laïc, c'est quelqu'un qui n'a vraiment eu aucun contact avec le cléricalisme. Mais le Clovis qui apparaît, notamment dans le Petit Lavis de 1913, c'est un bon barbare, un bon sauvage, quelqu'un qui va aider la nation. Oh, qui est un peu bourru, hein, on le présente comme un mauvais élève. Il écoute Saint-Rémy, il ne comprend pas tout. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions et qui va défendre la France contre les Allemands. Et donc, on va réintroduire cette figure d'un Clovis un peu apaisé juste avant la Première Guerre mondiale, ce qui va permettre d'expliquer aussi pourquoi, au moment du bombardement de la cathédrale de Reims, vous avez toute l'opinion française qui se dresse du côté de Clovis en disant que c'est le lieu du baptême que les Allemands sont en train de détruire. Nous lui avons consacré à cette cathédrale une émission récemment. Il y a eu Tolbiac, bataille peu mythique peut-être, et puis il y a eu Vouillé. Alors, il y a Vouillé, oui. Vouillé, là, c'est la bataille bien documentée. En 507, Clovis, qui est peut-être baptisé, qui est peut-être pas encore baptisé, ça dépend où on place le baptême, mais en tout cas, qui est déjà très proche du clergé, mène une campagne au sud de la Loire contre les Visigoths et réussit à tuer le roi des Visigoths, Alaric II. Là, c'est bien documenté pour la première fois, à vrai dire. C'est le seul événement qui a un rayonnement à échelle méditerranéenne. On en parle à Byzance, on en parle à Rome, on en parle en Espagne, on en parle à travers toute la Gaule. Et au XIXe siècle, ça peut donner une dimension patriotique à la personnalité de Clovis, ça presque donne... anti-allemande. Eh oui, ça donne une dimension. Il suffit de dire que les Visigoths sont des barbares, donc on va rajouter un W à Visigoth plutôt qu'un V, c'est plus sauvage, puis un H, ça fait pas mal. Ça montre un Clovis franc, on transforme le franc en français, combattant l'ego. Ça donne toute une légende que l'on va voir dans l'histoire de France, que des héros de la nation se dressent régulièrement contre des figures germaniques. Ça donne au début des années 1950 un certain Astérix et les Goths. Ce sont les seuls méchants étrangers dans tout Astérix que ces gens qui portent des casques à cornes, mais surtout des casques à pointe, qui menacent l'unité nationale. Mais c'est dès la Troisième République que les chansonniers un peu potaches commencent à parler à propos de Clovis du franc symbolique. Le franc symbolique, mais on a parlé aussi de la conversion des derniers francs il y a quelques années. Clovis se prête à l'humour parce qu'on connaît tellement peu de choses sur lui. Mais même sur ce terrain-là, il est parfois dépassé. Pensons à la grande chanson mérovingienne, c'est le bon roi Dagobert, c'est pas Clovis. Parce que Dagobert, c'est le roi de Saint-Denis, c'est le roi fondateur de la monarchie absolue. Clovis, il aura finalement aucune chanson. Il aura aucun film. Il n'y a pas un péplum sur Clovis. C'est vrai que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, vous confirmez? Je confirme, il y a eu une tentative de péplum qui a été remplacée finalement par un Vercingétorix dans les années 1990. Il a une période brillante, naturellement, c'est le temps de la Restauration, puisque Charles X venant se faire sacrer à Reims après la mort de son frère Louis XVIII, Charles X perpétue ou veut perpétuer une tradition qui s'enracine du côté de chez Clovis. Alors Charles X rêve de renouer ce fil qui a été rompu par la Révolution française, recréer le sacre. Alors, son entourage n'est pas totalement convaincu, parce que d'abord, il manque l'ingrédient principal, la sainte ampoule. Alors, pour le sacre de 1824, on reconstitue une sainte ampoule. Un chanoine regardait un fragment encore enduit de saint crème. Donc, on arrive à faire ça. Puis surtout, la mystique n'est plus là. Donc, la monarchie essaie de commander des œuvres du côté des poètes. Victor Hugo commence quand même sa carrière en faisant des odes sur le sacre. Je le cite. « Peuples au même hôtel, elle est redescendue ». Oui, c'est à propos de la colombe de Reims, je cite Victor Hugo. « Peuples au même hôtel, elle est redescendue. Elle vient échapper aux profanations, comme elle a de Clovis fléchi l'âme éperdue, vaincre l'oreille des nations. » Il a fait mieux. Oui, mais il était encore royaliste et petit, comme il disait. Il faut dire qu'il avait entendu ce que disait Charles X au moment du sacre. Il disait « Prosterné au pied du même autel où Clovis reçut l'onction sainte, et en présence de celui qui juge les peuples et les rois, je renouvellerai le serment de maintenir et de faire observer les lois de l'État. » Clovis, Charles X. Clovis, Charles X et les peintres d'histoire. Parce que la monarchie commande des peintures. Pour la première fois, on voit partout, notamment dans les églises, mais également dans les palais, et bientôt dans tout l'espace civil, l'image de Clovis. Jusqu'à présent, on ne le voyait pas. Alors que là, on commence à voir un roi avec son casque à aile qu'il n'a jamais porté, sa grosse cuirasse qu'il n'a jamais portée, sa hache à double tranchant qui n'a jamais existé. La Francisque. On n'a pas encore découvert la Francisque archéologiquement, alors que c'est une hache de G sur le plan pratique. On croit que c'est une hache à double tranchant, parce que ça se dit bipénis en latin, donc bi. Ça laissait penser qu'il y avait deux lames. Mais en tout cas, Clovis commence à apparaître. Il apparaît notamment sur les murs de Sainte-Geneviève, qui est devenu ensuite le Panthéon. Le Panthéon, c'est un terrain de combat. Les murs du Panthéon, c'est le champ de bataille du XIXe siècle. Est-ce que le Panthéon va être dévolu à Voltaire, qui pensait pis que pendre que Clovis, ou à Sainte-Geneviève, qui a été la grande amie de Clovis? Donc on peut voir sur les murs du Panthéon ce combat se dérouler avec les peintres qui vont essayer de donner leur propre version de Clovis. La dernière version est donnée dans les années 1880, c'est les grandes peintures de Jean-Paul Laurens, qui montrent un Clovis vieux, avachi, faible. Peinture étrange, commandée pour Sainte-Geneviève, mais d'un peintre qui est républicain dans l'âme. On rejoint la fameuse tragédie de Népomucène Le Mercier. Je suis sûr que vous aviez envie de m'en parler, qui s'appelait justement Clovis, à l'époque des romantiques. Les romantiques s'en sont beaucoup moqués. Et dont j'extrais ces vers, ces alexandrins, ce sicambre à nos cours souffrant les parricides, on a gardé les mœurs féroces et perfides. De ses propres soldats, on a vu l'inhumain discipliner les rangs, une hache à la main. Il s'inspire d'ailleurs de Voltaire. Oui, et vous prenez des risques en citant ce genre de choses. Hein. Je les assume tous à cette émission. Vous écrivez ça en 1824, vous risquez la prison. Népomucène Le Mercier est bien oublié aujourd'hui, et sans doute avec raison. Mais c'était un provocateur écrivant ça contre Charles X. Et qui a pu faire jouer sa pièce uniquement en 1830, lorsque la monarchie tombe et que Louis-Philippe prend le pouvoir, le roi bourgeois, autorisant toutes les pièces et permettant de dire ce que l'on veut de Clovis. C'est Louis-Philippe qui crée l'image moderne de Clovis. Michelet, Augustin Thierry. Michelet, Augustin Thierry, et puis... Quelle est leur attitude à l'égard de notre Clovis ? Augustin Thierry le déteste, mais à vrai dire, Augustin Thierry déteste tous les Francs. Il considère qu'ils sont barbares, germains, qu'ils ont apporté l'esprit de violence, dit-il. Récit des temps mérovingiens. C'est un grand succès de librairie. Énorme succès, à vrai dire, moins en son temps qu'à partir des années 1870. La Troisième République commande pour la remise des prix des versions illustrées des récits d'un temps mérovingien. Donc tous les petits-enfants qui ont réussi leur composition française se voient offrir des portraits de Clovis en affreux sauvage, image de l'Allemand qui menace toujours nos saintes frontières. Arrivons-en aux deux grandes commémorations, 14e et 15e centenaire, 1896 et 1996. Ce sont les dernières occurrences où Clovis a vraiment surgi au premier rang des passions nationales, collectives. Clovis revient à chaque commémoration. 19e siècle, on va commémorer le 14e centenaire, mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on va commémorer. On est en pleine 3e République, le ministère est dirigé par Méline, qui ne veut pas entendre parler des cultes, donc on interdit aux évêques de se réunir, finalement ils pourront. Pourtant, il a succédé à Léon Bourgeois, qui était encore plus laïque que lui. Oui, c'est vrai, mais la situation est délicate du côté du gouvernement, qui n'est quand même pas trop favorable à Clovis. Et puis du côté de l'épiscopat, on est en train de recevoir les contre-coups des grandes encycliques Rerum Novarum, et au milieu des sollicitudes, le pape est en train de proposer le ralliement à la République. Un tournant social d'ailleurs. Un tournant social, un tournant démocratique, républicain. Et donc, au lieu de parler de Clovis, pendant le 14e centenaire, en 1896, l'Église s'entre-déchire. On voit toutes les tendances, depuis les ultramontains jusqu'aux ralliés, s'entre-déchirer. Tous les discours portent en théorie sur Clovis, mais tout le monde a sa vision de Clovis, puisque Clovis est l'ancêtre. Selon qu'on le voit proche des Gallo-Romains ou au contraire roi parfaitement indépendant, eh bien ça peut être un fondateur idéal pour la tendance du moment. Mais il y a une voix qui s'élève plus forte que les autres, c'est celle du prélat de Reims, c'est Monseigneur Confé Cardinal, Monseigneur l'Ingénieux, qui va reprendre une formule de Lacordaire, vieille de quelques décennies, en parlant de la France fille aînée de l'Église. Fille aînée de l'Église, oui. L'Ancien Régime n'en avait jamais parlé. C'est apparu à partir des années 1830, l'idée que le baptême de Clovis a fait de la France la fille aînée. On est vraiment dans le milieu des années 1830 quand on invente cette image-là. C'est l'époque où Michelet parle de la France et fait des grandes prosopopées, c'est un personnage la France. Et bien, l'Ingénieux et tout son entourage considèrent que la France peut être baptisée aussi. Et que ce baptême de la France fait d'elle l'héritière finalement des missions universelles de l'Église. C'est l'époque du colonialisme aussi. Clovis devient une figure de l'homme qui est capable de vaincre, mais aussi d'intégrer et de civiliser les nations en leur apportant le christianisme. Cette idée du baptême de la France devenue une personne, on la retrouve encore à l'occasion du second moment, c'est-à-dire 1996, et même avant, puisque c'est le pape Jean-Paul II qui a à se mêler de cela en venant en France en 96. Mais dès 80, il vient dans un fameux discours au Bourget, interpellant la France comme fille aînée de l'Église. Permettez-moi de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? La France, es-tu fidèle en somme à Clovis et à son baptême? Cette citation du pape, on va beaucoup y réfléchir parce qu'on est dans les années 1980, on est en train de préparer les commémorations de la Révolution française. Donc c'est une toute autre France qui est sur le devant de la scène, notamment en 1989. C'était le tout début du pontificat de Jean-Paul II, avant l'attentat de 81. C'est le moment aussi où le pape est très présent pour la première fois, où on le voit apparaître et on le voit remettre Clovis sur le devant de la scène. Donc lorsque le 15e centenaire commence à se profiler en 1996 et que Jean-Paul II annonce qu'il va venir en France, tout le monde s'attend au pire. Et donc le 15e centenaire, c'est à nouveau un moment d'immense polémique. Est-ce que Clovis a quelque chose à faire dans l'histoire de France? Une partie du courant laïque refuse la commémoration. La question se pose de savoir quelle place les pouvoirs publics vont avoir dans l'événement. Et la plupart des laïcs pensent qu'il est tout à fait convenable que Jean-Paul II soit reçu comme un chef d'État, puisque c'est un chef d'État, de fait, au Vatican, et une autorité religieuse, mais que les autorités soient également absentes lorsqu'il y a des manifestations à caractère catholique. Et oui, vous savez toujours la difficulté qu'ont les pouvoirs publics à recevoir ce pape, qui est à la fois chef spirituel et chef temporel. Généralement, on botte en touche dans ces difficultés et on fait venir les universitaires. C'est ce qui est fait en 1996, quand il y a un problème, on réunit un colloque universitaire. Et donc, le grand colloque sur Clovis, encore aujourd'hui le texte qui a fait date, deux tomes gigantesques sur le baptême de Clovis, date de 1996. Une grande réunion qui a posé un certain nombre de problèmes, des problèmes historiques. On ne connaît pas la date du baptême de Clovis, alors comment poser le 15e centenaire en 1996? Des problèmes d'organisation, est-ce que le clergé pouvait faire partie du colloque? Et puis des problèmes très pratiques, est-ce qu'on doit porter la toge lorsque le pape vient pour inaugurer un colloque scientifique? La toge universitaire. La toge universitaire de la faculté des lettres, elle est jaune, elle est très laide. Non, elle est un très beau jaune, safrané. Canari, disons. Disons que... Laissons cette controverse ouverte. On va laisser ce problème ouvert en disant simplement que le colloque a posé un certain nombre de difficultés, mais aussi a permis de les résoudre. Généralement, quand vous posez un problème en termes scientifiques, l'obscurité du baptême de Clovis a été reconnue. Et finalement, le colloque a conclu que la légende du baptême était beaucoup plus fascinante finalement que le baptême en lui-même. Donc sur le baptême, il y a 50 pages, on va dire. Sur la légende, plus de 1000 pages, parce que c'est ça qui fait l'histoire. Et c'est cette histoire partagée entre ceux qui acceptent Clovis et ceux qui le refusent, ceux qui contestent les commémorations et ceux qui les veulent, mais c'est cette histoire qui fait l'histoire de France et qui est la véritable chaîne des temps. C'est pas qu'on descend de Clovis ou qu'on descend du baptême de Clovis, c'est que depuis 1500 ans, on débat autour de ce baptême. Et là, on a quand même une culture partagée. Le principal historien à l'époque, c'était Michel Rouche, spécialiste de cela. On va l'entendre dans cette dernière archive, qui est un reportage sur la commémoration. En 1996, cet extrait du 20h de France 2, le 22 septembre 1996, avec des réactions variées, vous allez voir. Clovis est-il un franc symbolique? C'est tout l'objet de la polémique qui agite la société française depuis l'annonce du voyage du pape à Reims. Alors que le Front National salue aujourd'hui le baptême de Clovis comme, je cite, « l'acte fondateur de la nation française », beaucoup de laïcs voient au contraire dans cette célébration une provocation contre la laïcité héritée de la Révolution française. Manifestement bien informé, le pape a préféré rester au maximum en dehors de cette polémique. Reportage Michael Darmon, Jean-François Chevet. Et au quatrième jour de son voyage, Jean-Paul II, sur la base 112, déclare ouverte la journée Clovis. À l'occasion du 15e centenaire du baptême de Clovis par Saint-Rémy, nous rendons grâce à Dieu et nous célébrons l'Eucharistie. Baptême d'un roi païen par intérêt politique ou baptême d'une nation? Ici, la question est tranchée pour beaucoup. Clovis, c'est d'abord la France chrétienne. Clovis, c'est le roi de la France. Et sa femme Clotilde, c'est elle qui lui a appris ce que c'était que la religion catholique. Tous les païens qui entouraient Clovis sont devenus eux-mêmes chrétiens, hein, comme les Gaulois, et cet amalgame de Gaulois et de Francs qui progressivement est devenu à faire la France. Histoire mythique contre les faits de l'histoire. Pour ces historiens catholiques venus en grande tenue, la messe n'est toujours pas dite sur le personnage de Clovis. Sur le plan scientifique, nous avons lancé un grand colloque d'explication sur le baptême de Clovis, sa condition, son interprétation. Et donc, à côté des phénomènes religieux, il y a aussi toute l'explication scientifique et historique. À Tours, c'était Saint-Martin ou la foi sans frontières. À Reims, c'est Clovis, identifié à une seule nation. Ce matin, un évêque disait tout haut ce que certains de ses collègues ont pensé de cette célébration. Ce que je crains pour Reims, c'est que cette affaire soit tout de même récupérée par des traditionalistes et par l'extrême droite. Et il faudrait que le message du pape soit quand même reçu par d'autres. Et à sa manière, Jean-Paul II a répondu à cette critique en s'adressant à différentes confessions le jour du baptême de Clovis. Le pape a tenté de calmer une polémique annoncée par sa visite à Reims. Récupération, c'est de tous les temps, celle que craint cet évêque. Ça a continué d'autres moments. Je pense par exemple au fameux discours de François Fillon, candidat à la présidentielle, dans son discours fondateur de Sablé-sur-Sarthe en août 2016, où il disait « La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims ». C'est 15 siècles d'histoire, Clovis, ça peut être un événement fondateur. Il peut y avoir d'autres événements fondateurs, mais il y a aussi des moments où on l'oublie complètement, Clovis. Depuis 1996, c'est un personnage dont on ne reparle plus. Clovis, c'est un peu comme son contemporain, le roi Arthur. Le roi Arthur, il dort. Et quand l'Angleterre a besoin de lui, on le ressort. Clovis, de temps en temps, on l'oublie. Et puis à d'autres moments, on le ressort de son baptistère et puis il se prête à de nouvelles réinventions. Donc vous lui prêtez un avenir tout de même? Oui, un avenir changeant. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à un personnage aussi lointain. Et puis finalement, c'est normal, hein, les détournements de fonds peuvent exister aussi pour les fonds baptismaux. On peut lui souhaiter encore beaucoup d'histoire. Merci beaucoup. Nous transmettrons ce souhait à qui de droit. Votre livre, Bruno Desmézil, paru tout juste, s'appelle « Le baptême de Clovis » dans la collection « Les journées qui ont fait la France » chez Gallimard. Vous avez dirigé un autre livre qui m'avait donné l'occasion de vous inviter sur les barbares aux presses universitaires de France en 2016. J'ai rendu hommage en commençant aux travaux de Laurent Teille, je vous suis à cet égard, consacré à Clovis. Son livre s'appelait « Clovis de l'histoire au mythe ». Il était paru en 1996 dans la collection Complexe. Il a été depuis réédité à CNRS Éditions. Et puis Michel Rouche, qui est passé dans notre conversation et dans le dernier extrait, a publié une biographie de Clovis chez Fayard en 1996. Une bibliographie plus complète sera à votre disposition, comme de coutume sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission pour la garder aussi longtemps que la trace de Clovis perdurera. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille Gavrilov et aussi par Claire Poinsignon, réalisée comme chaque samedi par Yaël Mandelbaum, avec Pierre Monteil à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque toujours si précieuse, avec Véronique de Saint-Pastou pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, qui ne le sont pas moins. Et dans quelques instants, je passerai le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.